Mardi 10 octobre 2017, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les grandes articulations. 7 personnes d'une même famille ont été tuées hier soir en commune Wuhiga de la province Karusi. 6 personnes ont déjà été arrêtées pour enquête, nous dit le porte-parole de la police nationale. Célébration ce 10 octobre de la journée mondiale de la santé mentale sous le thème dépression. Le ministère burundais de la santé publique affirme que la dépression fait rage au Burundi. Dans ce journal, vous aurez la position de l'Organisation mondiale de la santé, région Afrique, ainsi que l'avis d'un psychiatre. L'accès à la justice reste un problème où la population burundaise qui devrait jouir du droit ou une justice équitable. Tels sont les propos du professeur Michel Massabo pour le compte de l'Observatoire de l'action gouvernementale OAG. C'était ce mardi. La chronique santé de ce mardi nous parle du cancer du col de l'utérus avec le docteur Janine Ayinghamiye qui va s'entretenir avec notre chroniqueuse santé Francine Ndihokubgayo. Les détails, c'est dans ce journal mis en nom de Parimé Toussaint Mitebouti à la présentation Mireille Kanyange. Bienvenue. Bonjour. Page sécurité pour débuter ce journal. 6 personnes d'une même famille ont été tuées, certaines à coups de machette et d'autres brûlées dans la maison. Cela s'est passé le soir de ce lundi à la colline Elgueya de la commune Wuhiga en province Karusi. Et le meurtrier s'est suicidé par après. Les responsables provinciaux et communaux se sont vite rendus sur les lieux. Les détails avec Blaise Pascal Kararoumié. Qui ont été tués par un certain Jean-Claude Nirandekura, comme l'indique la population sur place, sont d'une même famille et comprennent un homme, 2 femmes et 3 enfants. Elle indique que même Jean-Claude Nirandekura s'est suicidé par suite après le forfait, arrivé sur une autre colline frontalière de la colline d'Ogueya à la colline Magamba, lorsqu'il prenait fuite, indique cette population. Elle indique que le meurtre a eu lieu après 18h du soir. Après que cet homme commence à se chamailler avec n'importe qui au bistrot là où même le défunt se trouvait. Cet homme venait de se chamailler avec beaucoup de gens qui étaient dans un bistrot sur place, dont le chef de ménage qui a été par après tué. Il signale que ce dernier l'avait même fui pour éviter les querelles, mais que son Nirandekura est allé le chercher à la maison où il a tué les 6 personnes, certaines à coups de machette et d'autres ont été brûlées dans la maison. Le gouverneur de la province, l'administrateur communal de Wuhiga et les responsables de la police étaient sur place le matin de ce mardi pour se rendre compte de cette situation macabre et donner un mot d'apaisement à cette population meurtrie. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Et sur ce crime, le porte-parole de la police nationale affirme que 6 personnes, dont le chef de colline, ont déjà été arrêtées pour enquête. Toujours en page sécurité en province Mwaro, un élève du lycée communal Manuka en commune Ndava est mort foudroyé au cours d'une pluie tombée vers 13h de ce lundi. L'administrateur de la commune Ndava, Louise Ndenzako, dit que cet élève est mort arrivé à l'hôpital de Kibimba où il avait été transféré. Cet autre élève blessé reçoit des soins à cet hôpital même. Cela arrive au moment où ce dimanche dernier, une dame d'une vingtaine d'années morte, 6 autres blessés sur la colline Gitaba de la même commune, quand un vent violent a emporté la toiture d'une église alors que les fidèles étaient en pleine prière, souligne toujours l'administrateur de la commune Ndava. Et en province Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi, les habitants de la colline Gihungwe de la commune Gihanga ayant donné des terrains à la société Sogea Satom pour extraction des carrières, ont perturbé ce mardi les activités de cette société. Ils réclament des indemnisations. Le matin de ce mardi, ses habitants ont bloqué les camions de cette société. Une délégation de la direction générale de l'Office des routes qui avait promis de résoudre ce problème ce lundi est arrivée ce lundi pour calmer la situation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la page santé. Célébration ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé en lieu de travail. Dans un communiqué irrelatif, le ministère de la Santé publique affirme que la dépression, qui est le thème retenu cette année, fait rage au Burundi par des cas des effectifs de l'année passée où plus de 2000 personnes souffrant des troubles dépressifs ont été enregistrées sur plus de 12 000 consultées par le centre neuropsychiatrique de Kamenge. Ce ministère indique que ces chiffres s'expliquent par la guerre et les conflits sociaux qu'a connu le Burundi où les personnes sont exposées à des événements malheureux comme le deuil, le chômage et le traumatisme psychologique. Le ministère burundais de la Santé publique ajoute qu'il envisage d'intégrer la santé mentale dans le système national de la santé. Et dans son message à cette occasion, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matsidiso Moeti, établit une relation étroite entre le stress en milieu de travail et la mauvaise santé mentale. Environ 10%, dit-elle, de la population employée s'absente du travail pour cause de dépression à l'échelle mondiale et en moyenne 36 journées de travail sont perdues lorsqu'un travailleur est déprimé. Selon toujours l'OMS, 50% des personnes souffrant de dépression ne sont pas traitées en Afrique pour des raisons de manque d'information, de stigmatisation et des barrières culturelles. Dans son communiqué, dans la Journée mondiale de la santé mentale est donc une occasion d'entamer le dialogue sur la question de la santé mentale en milieu de travail afin de promouvoir les meilleures pratiques, de limiter les attitudes négatives et de renforcer le pouvoir d'action des individus. Et de son côté, Zenon Kwizera, psychologue chargé de la prise en charge psychosociale au programme de la santé mentale au Comité international de la Croix-Rouge CICR, conseille aux gens de ne pas pointer du doigt celui ou celle qui a un problème mental. Je vous prie de le suivre. La première chose à suggérer, c'est qu'il faut vraiment s'approcher de lui. Ne pas le stigmatiser, ne pas lui pointer du doigt comme on le fait tous les jours, dire vraiment c'est son habitude, il faut le laisser ainsi. Vraiment tout le monde est au courant qu'il est malade mental. Vraiment la stigmatisation, elle a beaucoup, beaucoup, celui qui a le problème, même si le problème est à un degré vraiment très digérable, ça l'enfonce. Et puis, il faut aussi s'approcher de lui pour lui donner des conseils pour le changement de certains comportements qui sont quand même encore redressables. Si ça ne vient pas pour celui-là, pour lui confier à un membre de la famille, s'approcher à la famille. Des fois, on dit que le service qui accueille les gens qui ont le problème de la santé mentale, c'est chez le gentil. On attend qu'on atteigne le degré de s'approcher chez le gentil. Alors qu'il y a un nombre d'autres services qui peuvent accueillir, qui peuvent aider. Il faut vraiment s'approcher de celui qui présente un problème. Il faut s'approcher de sa famille. Il faut aussi lui prodiguer des conseils en lui montrant les services qui peuvent l'accueillir sans toutefois attendre que ça éclate, que ça craque ou que quand même rapproche le service de gentil alors qu'il y a d'autres services du côté de son entourage. Kwizera Zenon, c'est le psychologue au CICR au téléphone avec Evra Javierimana. Parlons gouvernance à présent. L'accès à la justice reste un problème à la population burundaise qui devra jouir du droit à une justice équitable. Les propos sont ceux du professeur Michel Massabo qui a fait une étude commanditée par l'Observatoire de l'action gouvernementale OAG. Ce problème soulevé relève du fait que le budget alloué au ministère de la justice reste insuffisant, ce qui constitue un blocage au bon fonctionnement des différents secteurs. Pour le professeur Massabo, le gouvernement burundais devrait mobiliser plus de ressources au profit de ce ministère pour garantir un accès à la justice pour tous. Je vous prie de le suivre. La justice fonctionne normalement, mais nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de problèmes, en particulier avec l'accès à la justice. Juridiquement, tous les citoyens ont droit à une justice équitable. C'est consacré par la Constitution. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Il y a des problèmes. Problème lié au manque de moyens financiers. Les justiciables, peu fortunés, risquent d'être dissuadés de défendre leurs droits devant les juridictions. C'est un problème. Deuxième problème, c'est que la justice elle-même, elle semble mystérieuse, elle semble lointaine. Les termes utilisés ne sont pas accessibles à la plupart des justiciables. Le fonctionnement des juridictions, tout cela n'est pas d'accès facile pour les justiciables. Il y a lieu de mobiliser plus de ressources au profit du ministère de la Justice en vue d'aider les justiciables à accéder davantage à la justice, notamment augmenter les crédits, les lignes budgétaires pour l'aide à la justice, pour traduire les textes en Kirundi, former les acteurs de la justice, tout faire pour que chacun accède à la justice sans discrimination. L'idée de départ, c'est qu'une saine justice est une garantie de paix sociale. S'il n'y a pas de justice, c'est facile, il risque d'y avoir des règlements de compte, justice privée, ce qui est inacceptable dans un état de droit. Le professeur Michel Massabo s'entretenait avec Francine Ndihokubgayo. Parlons hygiène en mairie de Bujumbura. Le conseil principal du maire de la ville de Bujumbura indique que les services techniques municipaux n'ont pas les capacités d'enlever les déchets ménagers en mairie de Bujumbura, d'où le recours à des entreprises privées. Ramadan Hurikiye dit n'avoir aucun commentaire à faire sur les recommandations du ministère de la Bonne Gouvernance, invitant la mairie à confier ce travail au CTMU, mais qu'il s'agit de l'application de la politique du gouvernement, dit pollueur-payeur. Suivez au téléphone avec Charles Makoto. Je pense que la mairie a l'obligation d'enlever des immondices à la ville de Bujumbura. Il exerce ce travail via les organisations de CTMU dans le temps. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'avec la capacité de CTMU, avec les outils que dispose les CTMU maintenant, tout le monde est témoin que CTMU ne sont plus à mesure d'enlever les immondices dans les ménages surtout. Vous savez bien que les services techniques CTMU sont sous tutelle de la maire de Bujumbura. Et le maire de la ville est le président du conseil d'administration. De tout ce que CTMU dispose, on est au courant, on sait sa capacité. Vous dites que la CTMU n'a pas des capacités requises pour enlever les immondices dans les ménages, mais le directeur général de la CTMU indique que la CTMU a les capacités requises pour faire ce travail, mais que c'est la mairie qui ne donne pas du travail à la CTMI. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Ce n'est pas une contradiction parce que la CTMI a exercé ce travail dans le temps et on a assisté à quoi ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas. Parce que les moyens qu'ils disposent sont surtout les matériels, les outils roulants. Ce sont des enjeux. On est au courant des capacités, surtout ce qui est des outils pour exercer le travail dans les domaines des immondices pour toute la ville de Bujumbura. Le ministère de la Bonne Gouvernance avait recommandé que ce travail soit confié à la CTMI. Quel est votre commentaire? Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'intervention du porte-parole du ministère de la Bonne Gouvernance. Mais ce qui est sûr, c'est que nous suivons le programme du gouvernement, le programme du pollueur payeur, c'est-à-dire celui qui pollue, c'est celui qui paie. C'est un programme qui est même recommandé de la traite gouvernementale. Ramadan Hurikiye, c'est le conseiller principal du maire de la ville de Bujumbura. Restons dans la mairie. Certains des habitants de la zone Bouiza, à la jonction de la 9e avenue et la 5e, se lamentent que le drain de Vougizo divisant les zones Bouiza et Nyakabiga est bouché. Ils disent qu'en période de pluie, ce drain déverse des eaux et des ordures dans leur maison. Ils le disent au moment où ce drain ne déverse plus les eaux dans la rivière Anarangwa comme auparavant. Thierry Mfayoukurela y a été. Voici son reportage. Nous sommes exactement à la jonction de la 5e avenue et de la 9e avenue de la zone Bouiza, en mairie de Bujumbura. À cet endroit, le drain venant de Vougizo, qui auparavant déversait ses eaux dans la rivière Nahangwa, est bouché et s'effrayait en notre chemin, ce qui provoque des inondations d'eau et d'ordures dans les ménages des parages. Arrivé à cet endroit, on est accueilli par un essaim de mouches, une montagne d'ordures, et les déchets plastiques sont la principale cause de cette situation. Certains des habitants des parages qu'on a rencontrés sur les lieux disent qu'en période de pluie, ils ont pas mal de problèmes. Notre santé est en danger. Les moustiques sont nombreux et le paludisme est au rendez-vous. Les autres disent qu'il faudrait des machines pour déboucher ce drain. Nous voyons que le problème de ce drain est énorme. Il faudrait des machines pour le déboucher jusqu'au niveau de la paroisse Mukiza Mwiranda. Et d'ajouter que c'est à la population d'arrêter de jeter les déchets ménagers dans différents caniveaux de leur quartier. Ce qui cause ce problème, que les habitants de Kiriri, lorsqu'il pleut, ils jettent tous les déchets ménagers qu'ils ont emballés dans les sacs, dans les caniveaux. Et ces sacs viennent à bord des caniveaux avec des eaux. Ces habitants demandent au gouvernement de trouver solution au problème de ce drain et que si rien n'est fait, leur santé est en danger. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h11 dans le studio de la radio Isanganilo, poursuivons ce journal. Grogne chez bon nombre de tenanciers de bistrots chefs-lieux de la province Ngozi. C'est au nord du Burundi, s'inscrivent en faux contre des policiers qui les malmènent en imposant un couvre-feu à 22h, alors qu'il n'y a pas, selon eux, d'insécurité. Ils demandent à cet effet aux autorités administratives de lever cette mesure qui, d'après eux, fait peur aux visiteurs. L'administrateur de la commune Ngozi indique qu'il va parler de cela avec les responsables de la sécurité. Ngozi, les détails avec Apollinaire Muzagara. Les tenants des cabarets des endroits dits à la plage en bas du Don Bosco, à la route menant vers Mivo et à la ferme sont ceux qui se lamentent le plus. À 22h, ils sont arrêtés par des policiers, puis incarcérés pour payer après de lourdes amendes des plortis. Ils se disent étonnés par l'intervention musclée de ces policiers alors qu'il n'y a pas d'insécurité. Les cabaretiers sont indignés par le fait qu'il y a certains bistrots se trouvant dans les mêmes conditions que les leurs, mais qui ne sont pas inquiets. Selon ces détaillants des produits Braroudi, cette intervention de policiers inquiète les visiteurs qui traînent en verre dans ces endroits. Et parmi eux figurent ceux qui rentrent au-delà de 22h chez eux dans les provinces frontalières d'Ngozi, qui pourtant étaient informés de la bonne sécurité régnant au chef-lieu de la province Ngozi. Ces commerçants demandent par conséquent la levée de cette mesure afin de ne pas continuer à travailler à perte en ce moment où les taxes et impôts communaux ont été revus à la hausse. L'administrateur de la commune Ngozi rappelle que cette décision a été prise au moment où le pays connaissait de sérieux problèmes d'insécurité. Songambele Radjabu promet de débattre cette question néanmoins avec ses collègues membres du comité provincial de sécurité d'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle du cancer du col de l'utérus. C'est une rediffusion. Le docteur Janine Ayinghami, responsable adjointe du département des maladies chroniques, s'entretient avec notre chroniqueuse santé, Francine Diokougaï. C'était en décembre dernier quand le ministère de la Santé publique a introduit un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Cette maladie due à un virus peut donner au plus tard le cancer du col, comme l'indique le responsable adjoint du département des maladies chroniques, Dr Janine Ayinghamiye. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui, dans la majorité des cas, est dû à un virus appelé le human papillomavirus. Ce virus colonise le col de l'utérus et au plus tard, ça donne le cancer du col. Mais il y a d'autres facteurs favorisants, tels que la multiparité, tels que le partenaire multiple, le VIH-SIDA, et aussi la première naissance avant l'âge de 20 ans. Mais aussi, il y a le tabagisme qui est incriminé dans la grande majorité des cancers. Le cancer du col de l'utérus est considéré comme une menace, surtout pour les femmes vivant avec le VIH-SIDA. Le cancer du col de l'utérus affecte au niveau mondial chaque année 530 000 nouveaux cas et parmi ces 530, 50% d'entre elles vont mourir chaque année. Et dans notre pays, c'est le premier cancer après celle du sein et c'est beaucoup plus remarqué chez les femmes vivant avec le VIH. Le docteur Janine Ayinghamiye nous parle de quelques signes qui peuvent amener la patiente à consulter. C'est la douleur, le saignement occulte en dehors des règles, la douleur sur revient quand on fait le rapport sexuel et il peut y avoir du sang après le rapport sexuel. Les premières manifestations, ce sont les lésions précancéreuses et ces lésions précancéreuses ne sont pas vues par le malade. C'est le prestataire de soins qui peut dire qu'il y a des lésions précancéreuses par ce qu'on appelle le test IVA-IVL. Le traitement se fait de deux manières. Un bon suivi du malade lui permet d'échapper au cancer proprement dit. Il y a le traitement des lésions précancéreuses et il y a aussi des traitements qui peuvent être administrés à la personne qui est vue un peu tard quand le cancer est déjà avéré. Mais le traitement qui est vraiment aisé, c'est le traitement des lésions précancéreuses par la cryothérapie. C'est la méthode facile et quand la personne est vue diagnostiquée positive, elle est traitée au même moment. Quand c'est bien traité, c'est bien suivi, la personne guérit très bien et n'évolue pas vers le cancer. Mais il peut arriver que la personne arrive à un stade de cancer déjà. déjà avéré. Là, le traitement est très difficile, très lourd. Mais aussi, je dirais que chez nous, c'est difficile de traiter la personne. On peut faire la chirurgie, mais il y a d'autres traitements qui sont associés, tels que la chimiothérapie, tels que la radiothérapie, qui ne sont pas disponibles sur le territoire burundais, où la personne est obligée d'aller se faire soigner à l'étranger. Le vaccin parvient aujourd'hui à mettre à l'abri plus de 95% de femmes. Le dépistage des lésions précancéreuses peut être fait dans seuls deux hôpitaux publics du pays, dont celui de Kayanza et de Muyinga, ainsi que dans certains cabinets privés. Merci à Francine Ndehokougayo et à la docteure Janine Aïnghamie. Point final donc à ce journal, mais je vous en rappelle l'information à la une. C'est cette atrocité survenue hier soir à la colline Ngueya de la commune Wuhiga en province Karusi, où 6 personnes d'une même famille ont été tuées à coups de machette, d'autres brûlées dans la maison. Et l'auteur s'est par la suite suicidé. Le porte-parole de la police nationale affirme que 6 personnes, dont le chef de colline, ont été déjà arrêtées pour enquête. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Aimé Toussamite Wouti qui a assuré la mise en onde. Je vous dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.